idée depuis longtemps. Sans amis, on la jalousait, la détestait. Elle était belle à l'infini. Elle était belle, ils sont pourris. Elle voulait partir, s'émanciper dans une ville. Pouvoir aimer, pouvoir jouir, à en crever, croquer la vie. Ce ne sont que des chiens.